Moringa Pago, Pona Moni Yote, Oya Kwitia Moringo, Chakamote Masusi, Paninga Lale Limo Palio, Mopale Mola Lakate Mawa, Palome Kwati Libala, Libala Yamande Wate Mawa. J'ai perdu estimé, oh, rêve de mes rêves, ma voix.